C'était à la une. Paris Soir, 28 février 1939. À Madrid, l'espoir est mort. Joseph Kessel. Le charbon et le bois manquent absolument. La ration de pain a été réduite de 150 grammes à 100 grammes par jour. La hantise du froid et de la faim devient tragique. Quand un obus brise un arbre dans les avenues, on voit des femmes armées de haches courir vers le point de chute pour débiter le tronc. Aux environs de Madrid, des théories de malheureuses exténuées, chargées de sacs, font 30 et 40 kilomètres pour obtenir quelques pommes de terre, quelques mesures de riz. Un marché de troc se tient dans un faubourg en plein vent, où les paysans échangent leurs produits contre des objets. Les billets de banque, ils n'en veulent plus. Un morceau de savon, une bobine de fil, un petit paquet d'aiguilles semblent des choses inaccessibles. Mais ce n'est pas l'accroissement de la misère et de la souffrance qui frappe surtout le voyageur qui, après 3 mois d'absence, revient à Madrid. C'est l'affaissement moral de la population. Il y avait chez elle en novembre, et malgré la demi-famine et les bombardements, une gaieté, un élan que l'on ne retrouve plus. Elle plaisantait, elle riait, elle était vivante, ardente, elle croyait encore. 24 mois de guerre et de privation sans nom n'avaient pas réussi à ébrécher son admirable et joyeux stoïcisme. Et je ne crois pas qu'il ait cédé simplement à cause des difficultés matérielles qui accablent cette population chaque jour davantage. C'est la chute de la Catalogne qui, en l'occurrence, a joué d'une façon décisive. Les proclamations héroïques, les articles rassurants, la raréfaction des nouvelles de l'étranger n'ont pas réussi à tromper l'instinct populaire. Il a senti qu'elle devait être fatalement l'issue de la lutte. Il a perdu la foi. Aussitôt, ce que l'on supportait avec bonne humeur, avec défi, a pris un poids écrasant. Pourquoi lutter? Pourquoi sentir sa chair tenaillée par la faim et la bise? Pourquoi pousser de nouvelles classes au combat? Quand, la Catalogne ayant été perdue, le docteur Négrine revint à Madrid, s'acharnant avec ténacité, avec une sourde et profonde passion à combattre le destin, ce retour ne provoqua aucun tressaillement, aucun réflexe dans la population. Quand, par une coïncidence singulière, ce retour et celui des ministres furent suivis par une semaine des plus cruels bombardements que Madrid ait jamais subis, ils furent accueillis sans réaction aucune. Et pourtant, quelles scènes alors se déroulèrent. Ce fut à la suite de ces bombardements que le gouvernement décida de quitter Madrid. Il ne voulait pas que sa présence fût payée par tant d'atrocités. Mais un autre péril apparut, plus sourd, plus secret, et qui tient à ses entrailles. Les hommes de la 5e colonne commencèrent à se manifester. Tous ceux qui haïssent le régime, tous ceux qui depuis 30 mois attendent le général Franco avec impatience et dont certains vivent cachés dans les caves, dans des appartements clandestins, tous ceux-là, renseignés mystérieusement sur la marche des événements, sont pris d'une impatience farouche. On trouve souvent, à l'aube tardive, des passants criblés de balles et des ouvriers dont la tête est fracassée à coups de marteau. Ce sont les secrets des âpres nuits madrilènes, sans lumière, parcourues de vent glacé, dans la ville désolée, affamée, au milieu d'un peuple magnifique mais usé dans sa plus profonde substance, sous la menace visible et invisible, les chefs et les sous-ordres politiques, syndicalistes, militaires affrontent leurs tendances. Les uns pensent simplement à fuir. Ils savent qu'une légère poussée victorieuse des troupes du général Franco couperait tout moyen de retraite. Madrid deviendrait alors pour eux un immense piège. Et ceux qui le peuvent s'en vont vers Valence ou Alicante, d'où ils essaieront de prendre un cargo ou l'avion chimérique. D'autres estiment qu'il faut négocier avec le général Franco, obtenir un minimum de garantie, ou même échanger à n'importe quel prix la puissance que représente encore la défense de l'armée républicaine. Mais il en est d'autres qui veulent la résistance obstinée, terrible, sans merci. Ceux-là, dans leur ferveur désespérée, romantique, rêvent de transformer Madrid en une nouvelle Numance.